Ok, donc on va commencer tout de suite. Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walahu amma ba'd. Donc, on a terminé, donc, au dernier cours, on a commencé à expliquer les explications de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan par rapport au hadith de l'histoire de Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, quand il est parti au Yémen. Et donc aujourd'hui, c'est le cours 62 dans l'explication de Qurrat Uyun al-Muwahhidin. Donc, c'est l'explication de Kitab al-Tawhid de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, avec le commentaire de Cheikh Saleh Al-Fawzan. On était en train d'expliquer donc au dernier cours yani l'explication du hadith, la fin de la suite de l'explication du hadith de Mu'adh ibn Jabal. Et j'ai comme l'impression que on était rendu plus loin que ça. On va voir. Donc ici le cheikh il explique que il dit لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. On avait parlé de ça. قال الإمام النووي رحمه الله ما معناه إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يمكن إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. Ok, donc on va expliquer ce point-là parce que c'est un point important, puisque là on est en train d'expliquer la partie du hadith où, après avoir expliqué qu'il fallait les appeler au témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, hein, c'est-à-dire les gens du livre, de les appeler au témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et s'ils acceptent ça, ensuite leur expliquer qu'ils doivent faire cinq prières. Et que le fait de faire cinq prières, eh bien, ça ne peut être valide que si quelqu'un a accepté le témoignage du premier pilier de l'islam, qui est le tawhid, et la foi en le messager. Donc, ensuite de ça, il cite les paroles de l'imam an-Nawawi, hein, rahimahullah, qui dit que, yani, il dit ce qui signifie, naam, que la personne, même si elle n'est pas musulmane, et que c'est pas, on peut pas dire que, par exemple, elle est que c'est-à-dire que on peut pas dire que la prière, si elle l'a fait, qu'il faut qu'elle la fasse même si elle n'est pas musulmane. Non, on peut pas dire ça parce que si elle n'est pas musulmane, même si elle faisait la salat, ça ne serait pas accepté d'elle parce qu'elle n'a pas encore déclaré sa foi en le tawhid et la foi en le messager. Donc, il faut qu'elle accepte le tawhid et l'islam avant qu'elle puisse pouvoir faire des œuvres qui vont être acceptées d'Allah subhanahu. N'empêche que si yani, elle n'a pas encore accepté l'islam, ça ne veut pas dire que elle n'est pas quand même ordonnée de faire la salat quand même de façon générale, puisque les obligations de l'islam lui sont quand même exigées d'une façon générale, et que le fait de ne pas les avoir fait en sorte que malgré ça elles auront une punition supplémentaire. Même si elles n'étaient pas musulmanes, ça ne veut pas dire que yani, elles sont exemptées de l'obligation de mettre en pratique les choses obligatoires que Allah subhanahu a ordonné aux croyants de faire. C'est ça que ici le cheikh explique. C'est-à-dire, est-ce que les gens qui ne sont pas musulmans sont exigés par la charia de les mettre en pratique, ces obligations-là. Et c'est ça qu'il explique, que parmi les ulama, il y a divergence sur cette question. Parmi les ulama, il y a divergence sur cette question. Il y en a qui disent non, s'ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas exigés de mettre en pratique les obligations de la charia en dehors du témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Parce qu'ils ne sont pas musulmans et que de toute façon, même s'ils les faisaient, ce ne serait pas accepté d'eux. Et il y a d'autres ulama qui disent non, même si ils ne sont pas récompensés, ou même s'ils les faisaient, ce ne serait pas accepté d'eux, mais c'est quand même exigé d'eux. Hein? C'est quand même exigé d'eux. Et même si ils ne sont pas musulmans, et même si ce ne serait pas accepté d'eux, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas augmentés dans leur châtiment, dans l'au-delà, pour ne pas les avoir mis en pratique ces obligations-là. Et c'est ça qu'il dit, le cheikh ici, il cite donc le cheikh l'imam al-Nawawi qui dit que qu'est-ce qui est correct par rapport à cette opinion-là, et c'est l'opinion de la majorité des savants, que les koufars sont exigés, hein, il leur est également exigé de mettre en pratique les différentes obligations et de s'abstenir des interdictions en général de l'islam, même s'ils ne sont pas musulmans. Dans le sens que parce qu'ils n'ont pas respecté les obligations, ils n'ont pas respecté les interdictions, et ça n'empêche pas qu'ils risquent d'avoir un surplus de châtiment à cause de ça, même si ils n'avaient pas encore accepté le tawhid. Et il dit que ça, c'est l'opinion de la majorité des savants. Donc souvent les gens ils posent la question à ce sujet-là par rapport au Ramadan, ceux qui ont des restaurants, ils disent « Ah, mais moi, j'ouvre pendant le Ramadan de toute façon parce que j'ouvre pour les non-musulmans, les koufars, ils viennent puis ils vont manger. » Donc, il y a des ulama qui disent « Non, vous n'avez pas le droit de laisser le restaurant ouvert, même si c'est des koufars qui viennent manger dans votre restaurant, parce que ils sont exigés de respecter les règles de l'islam malgré qu'ils ne sont pas musulmans. Parce que le fait de ne pas respecter les règles de l'islam, même si s'ils ne sont pas musulmans, et même si Allah ne va pas accepter de quoi que ce soit de leurs œuvres, ça n'empêche pas que ça risque d'augmenter leur châtiment s'ils ne les respectent pas. D'accord? Et il y a des preuves à ce sujet-là. Il y a des preuves à ce sujet-là. Et parmi les exemples que les ulama ont mentionné dans ce point-là, il mentionne le verset dans sourate Al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakun nut'imu al-miskin wa kunna nakhudu ma'a al-kha'idin wa kunna nukadhdhibu bi yawm ad-din حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Donc ici ce verset là, quand on regarde, qu'est-ce que ça signifie? Regardez bien. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit hein, que les gens de la droite, c'est-à-dire les élus dans le paradis, ils s'interrogent au sujet des criminels hein, à partir du verset 39. Yani, qu'est-ce qui vous a acheminé au saqar, à l'enfer? Eh bien, verset 43, ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. Verset 44, et nous ne nourrissions pas les pauvres. Verset 45, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Verset 46, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Verset 47, jusqu'à ce que vint la vérité évidente, c'est-à-dire la mort. 48, ne leur profitera donc point l'intercession des intercesseurs. Donc, si on analyse ces versets-là, eh bien, parmi les choses qui les ont amenés en enfer, on voit que, yani, ils disent en premier, nous n'étions pas parmi ceux qui faisaient la salat. Bon. Ceux qui faisaient la salat, par exemple, il y en a qui vont dire, par exemple, ça c'est yani, La question de la salat, il y a des ulama qui ont divergé au sujet de la salat par rapport à celui qui la fait pas. Est-ce qu'il est, s'il reconnaît son obligation, est-ce qu'il est kafir ou non? Et il y en a des ulama, comme la majorité d'entre les ulama de Ahl Sunna, qui disent que celui qui la faisait pas, alors qu'il reconnaissait son obligation, il est toujours musulman. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Et nous ne nourrissions pas les pauvres. Il n'y a pas de ulama qui ont dit, par exemple, que le fait de ne pas nourrir le pauvre, ça fait que quelqu'un devient kafir. Par exemple, ici, et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Donc, les conversations futiles, encore là, une fois, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fait sortir de la religion. Hein? Tout dépend de la conversation dont il s'agit. Et par contre, le verset 46, et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Donc, ici, ça c'est quelque chose qui est kofr, de traiter de mensonge le jour de la rétribution. Celui qui ne croit pas au jour de la rétribution, il est kafir, même si, hein, même s'il fait la salat, même s'il fait le jeûne, même s'il fait des conversations, même s'il fait pas de conversation futile, il est kafir. Mais donc, dans ce cas-là, si c'est des koufars, pourquoi mentionner le fait qu'il ne faisait pas la salat ou qu'il ne nourrissait pas les pauvres ou qu'il faisait des conversations futiles, si ça n'aura pas d'impact dans leur châtiment? Hein? Donc, les ulama ont dit ça, c'est la preuve que le fait de ne pas avoir respecté, yani, le fait de ne pas avoir respecté ces obligations-là et de ne pas s'être abstenu de ces interdictions, ça a été un facteur qui a augmenté leur punition. D'accord? Donc, ça, c'est un des arguments que les ulama ont mentionné par rapport à cette question-là. Et ça, c'est une question célèbre dans les livres de Usul. Et vous allez entendre souvent les ulama ramener cette question-là et cette divergence-là. D'accord? Donc, c'est important d'être au courant de ça. Ensuite, le cheikh, il dit, donc on était rendu, je crois, à l'explication de ce point-là, parce que je me rappelle qu'on avait expliqué le point numéro, par rapport au point précédent, on avait expliqué. Donc ici, par rapport à ce point-là, le cheikh, il dit « قضية هل هم مخاطبون بفروع الشرائع أم غير مخاطبين قضية خلافية الظاهر أنه ما تحت أنه أن الظاهر أنه ما تحتها طائل المهم أنه لا تصح الأعمال إلا بعد التوحيد هذا المقصود. Donc ici, le cheikh, il explique par rapport à cette question-là. Il dit, la question, est-ce que les koufars sont exigés de mettre en pratique les rites ou les principes de la religion, les choses obligatoires, et de s'abstenir des interdictions, ou bien est-ce qu'ils ne sont pas exigés de cela? Il dit que c'est une question de divergence entre les ulama, mais il dit que ce qui est apparent, c'est que derrière ça, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'utilité réelle derrière cette question-là. L'important pour nous, c'est de savoir quoi? C'est de savoir est-ce que leurs œuvres seront valides ou non. Et le cheikh explique que leurs œuvres ne seront pas valides, excepté après avoir accepté le tawhid. Et c'est ça le plus important, et c'est ça la chose qui est voulue ici. Donc, c'est ça le plus important à comprendre, que s'ils n'ont pas accepté le tawhid, leurs œuvres seront vaines. D'accord? Donc, on peut laisser de côté cette divergence-là et éviter justement de commencer à essayer de vouloir polémiquer là-dessus. L'important, c'est de comprendre que tout ce que les koufars font comme action, s'ils n'ont pas cru en La ilaha illallah et en Muhammad Rasulullah, ce ne sera pas accepté d'eux. Ensuite, le cheikh, il explique par rapport au fait que la position correcte à ce sujet-là, c'était qu'ils sont exigés de faire ou de mettre en pratique les obligations et de s'abstenir des interdictions, et que ça, c'est la position de la majorité. Le cheikh, il dit, يعني يعذبون عليها زيادة على عذاب الكفر والشرك فيعذبون على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى فعل على ترك العبادات زيادة على تعذيب الشرك. Donc ici, le cheikh, il dit que la position qui est correct par rapport à cette question des kuffars. Est-ce que est-ce qu'ils sont exigés de respecter les ordres et de s'abstenir des interdictions de la charia, même s'ils sont kuffars? Et la majorité des ulama, ils disent que oui. Et ils disent que c'est-à-dire qu'ils vont avoir un surplus de châtiments. En plus de leur châtiment pour leur kufr et pour leur shirk, ils seront en plus châtiés pour le fait d'avoir délaissé la salat, et pour avoir délaissé la zakat, et pour avoir délaissé les actes d'adoration, en plus du châtiment qu'ils ont pour le shirk qu'ils ont commis. C'est ça ce que ça signifie. Ensuite, le cheikh, il dit, et le verset que j'ai mentionné par rapport à. Les versets que j'ai mentionnés dans Sourate Al-Muddathir, ça fait partie des preuves que les ulama ont ramenées à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit Wa qawluhu fa'inhum ata'u kalidhalik, fa'alimhum an Allah afterda alayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim, faturaddu ala fuqara'ihim. وفيه فيه أن الزكاة لا تنفع إلا مع إلا من وحد الله. سلمى، allume la lumière ici, s'il te plaît. نعم، بارك الله فيك. Donc, فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها. والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى ويدل على هذه الجملة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقي فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان لقوة الداعي إلى ذلك لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. Donc ici le cheikh عبد الرحمن ibn Hassan, il continue l'explication du hadith et il dit quand le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Mu'adh et si ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire dans l'établissement des cinq prières par jour, alors fais-leur savoir que Allah leur a ordonné une sadaqa, c'est-à-dire la zakat, qui sera prise par des riches parmi eux et pour être distribuée aux pauvres parmi eux. Et il y a dans ça, yani que la zakat, elle ne sera profitable et bénéfique que à celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala et qui a établi les cinq prières avec ses conditions, ses piliers et ses obligations. Et que la zakat est la compagne de la salat dans le livre d'Allah. Et il y a parmi les preuves à ce sujet-là, en général, le verset 5 dans Surat Al-Bayyinah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, hein, en purifiant pour lui, en purifiant pour lui leur religion, en étant hunafa, c'est-à-dire en adorant Allah subhanahu wa ta'ala seul et en rejetant tout ce qui est adoré en dehors de lui, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. Donc on voit la relation qui est très proche entre la salat et la zakat ici, et cela est la religion de la droiture. Donc celui qui a établi cela, eh bien, il va être en mesure d'établir le reste des piliers de la religion à cause de la force, hein, de ce qui l'incite justement à le faire. Et c'est pour ça que donc ça va impliquer que la personne, elle va les mettre en pratique, hein, obligatoirement. On va expliquer ça. On revient donc à maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan par rapport à cette partie du hadith. Donc, à propos de ça, Cheikh Al-Fawzan, il dit فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَٰلِكَ أي أَقْبَلُوا مِنْكَ يعني قَبِلُوا مِنْكَ الصَّلَاةَ وَأَقَامُوهَا انتقل إلى الركن الثالث وهو الزكاة والزكاة حق في أموال الأغنياء للفقراء. قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة قرينة الصلاة في 82 موضعا من كتاب الله عز وجل. قرن الله الزكاة بالصلاة مما يدل على أهميتها. والزكاة تسمى صدقة، يعني صدقة واجبة، لأن الصدقة على قسمين، صدقة واجبة وصدقة التطوع. فالزكاة صدقة واجبة، فرض وركن من أركان الإسلام. Donc ici, on va expliquer cette partie de ce que le Cheikh Al-Fawzan a expliqué par rapport à ce hadith. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Et s'ils t'obéissent à ce sujet-là », c'est-à-dire à propos des cinq prières, hein, ils ont accepté de toi qu'il faut établir les cinq prières par jour, et qu'ils l'ont mis en application et qu'ils l'ont établi, alors maintenant, il passe maintenant au troisième pilier parmi les piliers de la foi, parmi les piliers de l'islam, pardon, c'est-à-dire la zakat. Et il dit que la zakat, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les biens des riches et pour être distribué aux pauvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Ma'arij, le verset 24, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Donc, il dit que, dans le verset en question, verset dans Surat Al-Ma'arij, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux dans les biens desquels il y a un droit connu, hein, dans leurs biens, il y a un droit connu pour la personne qui demande, hein, qui est pauvre, qui est dans le besoin, qui demande, wal mahroum, yani le déshérité, hein, la personne qui est déshéritée ou qui a été privée. Eh bien, la zakat, ça fait partie du droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit que dans le verset, ou plutôt dans le hadith, et dans d'autres versets aussi, Allah, subhanahu wa ta'ala, il mentionne le terme sadaqa. Hein? Donc ça, on va l'expliquer après. Il dit en premier que la zakat, c'est la compagne de la salat dans plus de 32 versets. Dans 82 versets. 80. Donc, fi 82 mawdi'an. Donc, dans 82 endroits dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a accompagné la mention de la salat en parlant de la salat, il a mentionné avec la zakat. Hein? Donc, ça indique que c'est une chose qui est extrêmement importante dans l'islam. Donc, la zakat, c'est la compagne de la salat. Et il explique que la zakat, on peut également l'appeler sadaqa. Sadaqa qui est traduit souvent par l'aumône, hein, ou la charité ou l'aumône. Et l'aumône est de deux catégories. Hein, la sadaqa, elle est de deux catégories. L'aumône obligatoire et l'aumône qui est volontaire. L'aumône obligatoire, c'est la zakat. Et ça, c'est une aumône obligatoire pour les riches. Et c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et l'aumône qui est volontaire, ben c'est recommandé, c'est volontaire. Celui qui en a de l'argent, il peut donner comme il veut, combien il veut, comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Tandis que la zakat, qui est obligatoire, eh bien, c'est pas comme il veut, non. C'est un montant spécifique par rapport au nisab. Et c'est pas quand il veut, c'est après une année. Et c'est pas à qui il veut. C'est à certaines catégories, hein, 8 catégories de personnes que Allah a spécifiées et mentionnées dans le Coran. Et donc, il y a des règles spécifiques par rapport à la zakat. Tandis que la sadaqa, qui est volontaire, il n'y a pas de règles qui sont si spécifiques que ça. C'est général, hein, c'est plus général. Et il n'y a pas un temps spécifique. Tu peux la faire quand tu veux, tu peux la donner à qui tu veux, tu peux donner la quantité ou le montant que tu veux. Tandis que dans la zakat, il y a un montant qui est spécifique, que tu dois donner, il y a un temps spécifique de la donner, et ainsi de suite. Ensuite, le cheikh, il dit que, ça c'est la zakat qui est un pilier parmi les piliers de l'islam. تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَالْغَنِيُّ هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ النِّصَابِ الْفَاضِلِ عن كفايته وكفاية ما يعول من يعول ونصاب كل شيء بحسبه كما بينته السنة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. Donc ici le cheikh Al-Fawzan il a expliqué que cette zakat elle est prise des riches parmi les musulmans et la personne riche dans l'islam elle est déterminée par rapport à celle qui détient la valeur du nisab. Et le nisab c'est le montant minimum à partir duquel après une année quelqu'un qui a ce montant-là en économie, il devient obligatoire pour lui de sortir sa zakat de son argent. Et il explique que, par exemple, pour l'or, dans d'autres contextes, le cheikh, dans les livres de fiqh, il a expliqué que pour l'or, c'est 85 grammes d'or. 85 grammes d'or, ça, c'est le nisab pour l'or. Hein? Et pour l'argent, c'est, si je me souviens bien, c'est 595 grammes d'argent. 595 grammes d'argent. Et ça, c'est le nisab. Mais il y a un nisab aussi spécifique pour le bétail, que ce soit des moutons, hein, ou bien des chameaux, ou des vaches. Pour chacune de ces catégories-là, il y a un nisab spécifique selon le nombre de têtes que la personne possède. Selon la grosseur de son troupeau, il y aura un nombre spécifique de bêtes qu'il aura à donner en zakat. Ça, c'est pour celui qui a du bétail. Pour celui qui a, par exemple, des récoltes et qui a des fruits secs, par exemple, ou des grains, hein, des fruits secs ou des grains, ou des légumineuses, ou bien des choses qui se préservent, hein, du riz, par exemple, des céréales, des légumineuses, des choses qui se préservent de façon séchée, il aura à donner de ces récoltes-là une proportion pour la zakat pour les pauvres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi pour chaque catégorie dans la sunna un nisab spécifique. D'accord? Et donc, le cheikh il dit ensuite, « Tu'khadhu min arniya'ihim » فترد على فقرائهم وهذا فيه بيان مصرف الزكاة وأنها للفقراء الفقراء هم أهم أصناف أهل الزكاة أهل الزكاة يعني ثمانية أصناف كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعني ثمانية مصارف يعني أولها الفقراء والفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يكفيه لسنته أما الذي يجد ما يكفيه لسنته فهذا غني لا تحل له الزكاة وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية ولا يلزم أنه يعمم الأصناف الثمانية بها وفيه دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد فما دام البلد فيه فقراء فهي حق لهم ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد آخر لقوله صلى الله عليه وسلم وترد في فقرائهم وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة أركان من أركان الإسلام. Donc le cheikh il explique que la zakat elle doit être prise des riches parmi les musulmans de cette région pour être pour être remise aux pauvres, hein, pour être ramenée ou renvoyée aux pauvres parmi eux. Et il y a dans ça donc l'explication de ceux à qui on a le droit de donner la zakat, et ce sont les pauvres. Et il explique que les pauvres, en arabe, le terme c'est al-fuqara. Les fuqara sont la catégorie des gens qui reçoivent la zakat la plus importante parmi les 8 catégories qui ont été mentionnées comme étant des gens qui ont droit de recevoir de la zakat. Et le cheikh, il cite le verset à ce sujet-là, qui est le verset 60 dans Sourate At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, certes, la zakat, as-sadaqat, ici c'est la zakat, elle est pour les fuqara. Et il y a un autre terme qui est employé aussi pour désigner al-fuqara, et ce terme c'est al-masakin. Donc, fuqara, c'est le pluriel du mot faqir. Et masakin, c'est le pluriel du mot miskin. Masakin, c'est le pluriel du mot miskin. Et entre les deux termes, il y a une certaine distinction. Et c'est-à-dire, comme les ulama ont mentionné, comme le cheikh il le dit lui-même ici, la personne qui n'a rien du tout. C'est-à-dire la personne qui n'a rien du tout pour l'année. Hein, il n'a pas du tout de ce qu'il lui faut. Ça, c'est le faqir. Et al-miskin, c'est celui qui n'a pas... il a quelque chose, mais ce n'est pas suffisant pour l'année. D'accord? Donc, c'est lui qui est al-faqir, al-miskin, al-miskin. Donc, celui qui n'a rien du tout, et celui qui en a un peu, mais ça ne lui suffit pas. Donc, c'est ça la différence entre al-faqir ou al-miskin. Et il y a 8 catégories qui sont mentionnées dans le verset 60, dans Sourate At-Tawbah. La première, c'est al-fuqara. La deuxième, c'est al-masakin. Et la troisième, c'est al-amilina alayha, c'est-à-dire ceux qui travaillent pour ramasser la zakat, que le dirigeant a chargé de cette tâche. Le quatrième, c'est al-mu'allafati quloubuhum, ceux qui ont un cœur qui est proche de l'islam et que le dirigeant leur donne dans le but de les encourager, hein, pour les inciter à se convertir. Wafir-riqab, c'est-à-dire les esclaves qui veulent s'émanciper et qui ont besoin d'aide pour racheter leur liberté de leur maître. Donc, on peut leur donner la zakat pour les aider. Ou al-gharimin. Al-gharimin, c'est les gens qui sont lourdement endettés. Peut-être qu'ils ont eu, par exemple, une dia à payer, c'est-à-dire le prix de sang, parce qu'ils ont fait, ils ont tué quelqu'un sans faire exprès, ou ils ont blessé quelqu'un sans faire exprès par accident, et par conséquent, ils doivent payer la dia. Et il faut les aider pour régler ça, ou bien des gens qui ont des lourdes dettes et puis qui n'ont pas les moyens de la payer, ou des choses de ce genre. Ou fi sabilillah, c'est-à-dire les gens qui sont dans le sentier d'Allah, hein, et qui luttent dans le sentier d'Allah. Et Ibn Sabil, c'est les voyageurs. Donc, ces catégories-là sont les catégories de gens qui ont droit de recevoir la zakat. En ce qui concerne les fuqara, le cheikh, il mentionne donc que c'est ceux qui n'ont rien du tout ou qui ont un peu, mais que ça ne leur suffit pas pour l'année. Donc, il dit ensuite, eux, ils ont droit à la zakat. Et il dit que dans le hadith, il y a la preuve qu'il n'est pas permis de donner la zakat Pardon, il dit que... Pardon, il dit le cheikh que dans ce hadith, il y a la preuve qu'il est permis de donner la zakat à une de ces 8 catégories-là, mais que ce n'est pas obligatoire de donner à toutes les 8 catégories en même temps. Donc, c'est possible de, si tu veux, donner à une seule catégorie toute ta zakat, c'est permis. Et les ulama, de façon générale, dans les fatwas, ils mentionnent que tu peux prendre ta zakat et la diviser entre plusieurs pauvres. Ou tu peux donner toute ta zakat à un seul pauvre. Ça, c'est permis aussi. Et en même temps aussi, c'est mieux de donner à un pauvre le plus possible parce que ça va l'aider, puis il va être capable comme ça de régler ce qu'il a à régler, d'acheter ce qu'il lui faut pour l'année. Hein, parce que les ulémas, en général, quand ils parlent de la zakat, ou les musulmans, quand ils parlent de revenus, ils calculent par rapport à une année, pas seulement par rapport à... tu donnes à quelqu'un, par exemple, un pauvre, qu'est-ce qui lui suffit juste pour, par exemple, par exemple, un mois. Après ça, il va encore être dans le besoin ou il va encore être avec rien. Donc, c'est pas suffisant. Hein? Ensuite, le cheikh, il dit, Naam, que, donc, il dit, il y a aussi la preuve dans ce hadith que la zakat doit être donnée aux gens du pays dans lequel la personne vit. Il dit donc que du moment que dans le pays où tu es, il y a des pauvres, eh bien, c'est un devoir pour eux. Hein, c'est un droit pour eux de recevoir cette zakat-là. Et donc, il n'est pas permis à quelqu'un de transporter cette zakat pour l'envoyer dans un pays autre que le pays où il réside. La preuve de ça, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans le hadith que la zakat doit être retournée à leurs pauvres, hein, c'est-à-dire aux pauvres de où vivent ces riches-là. Ça, c'est une chose que beaucoup de musulmans négligent. Hein. Ils sont insouciants à propos de ça. Parce que si les gens d'un pays, parmi les musulmans, ils vivent dans une ville ou dans un pays, et ils envoient toutes leurs zakats dans des pays étrangers ou dans d'autres endroits de là où ils vivent, alors qui va leur donner à ces pauvres de cette ville-là de la zakat? Hein? Donc où est-ce qu'il est le bienfait? Alors que dans cet autre pays, là, il y a des riches là-bas aussi qui peuvent donner aux pauvres de ce pays. Donc pourquoi toi tu envoies ta zakat là-bas alors que dans ce pays-là, il y a des riches déjà qui peuvent donner aussi. Et les pauvres de ton pays à toi, tu les oublies. Donc ça fait en sorte qu'il y aura pas de justice, il n'y aura pas d'équilibre. Donc ça, c'est important. Il faut savoir aussi par rapport à ça que donc c'est sûr que d'un pays à l'autre, les gens ils vont toujours avoir des différences entre leur niveau de vie par rapport à un pays à un autre. Et la pauvreté, qu'est-ce qui est considéré pauvre dans un pays? Dans un autre pays, ce ne sera pas nécessairement considéré comme étant pauvre. Ou bien dans certains pays, peut-être quelqu'un est considéré par rapport à un autre comme étant riche, alors que dans la réalité, dans ce pays-là, la personne, elle vit vraiment en dessous du niveau de la pauvreté. Donc, il faut pas faire relativités ou relativiser entre les pays par rapport à la pauvreté, mais il faut regarder chaque pays de façon individuelle. Wallahu ta'ala a'lam. Et ici, le cheikh, il termine donc ça pour expliquer que c'est le troisième pilier de l'islam. Et donc, on a expliqué dans ce hadith-là en particulier trois piliers. Le cheikh, il va les résumer ensuite. Donc, on va laisser ça pour le prochain cours, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayran, et à demain, inshallah.